On va commencer peut-être par se présenter. Moi, je m'appelle Jean-Luc Cagnot. J'ai 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Exposé C5. Voilà, je suis au CHSCT et d'autres fonctions dans l'entreprise. Je suis à la maintenance. Voilà. Donc, Christian Micot, je suis président de l'Association des malades de la chimie. Et 37 ans d'expérience dans la chimie, matière plastique, chimie organique, chimie fine. Donc voilà. Gérard Barrage, j'ai été médecin du travail, je suis en retraite, j'ai été médecin du travail à Adiceo pendant 22 ans. Et puis ensuite, j'ai fait pendant 10 ans de la médecine inter-entreprise. Alors Francis Gauthier, je suis actuellement retraité. J'ai fait partie du CHS d'Adiceo pendant une trentaine d'années. Donc, pendant quelques temps, j'étais secrétaire du CHSCT. Et j'ai pu apprécier mes collègues qui sont là, et notamment le médecin du travail Gérard Barra, qui a mis en route, avec le CHSCT à l'époque, le questionnement sur le C5. Voilà. On va démarrer la présentation. Bon, on vous fait un état des lieux de la situation à ce jour. Alors, mobilisation ouvrière contre une épidémie de cancer du rein. À ce jour, 42 tumeurs du rein. Alors, ce qu'on peut dire déjà sur ce recensement, entre parenthèses, c'est des gens qu'on a identifiés au niveau de l'AMC. Mais on peut vous dire que sur les 42, on est très loin du compte. Pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas eu de recensement par rapport aux entreprises extérieures, pas de recensement par l'Institut de veille sanitaire. Donc ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on a des personnes qui sont complètement disséminées dans toute la France, puisqu'on a des cas qui ont été recensés, donc qui étaient reconnus en plus ces maladies professionnelles. On en a à Mâcon, on en a sur Colmar, Lyon. Vous voyez un petit peu, donc, et ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est vraiment ce recensement. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent avoir un cancer du rein et qui n'ont pas de suivi post-professionnel ou pas de suivi simplement professionnel. Parce qu'il y a eu encore une lacune. C'est-à-dire que même au sein d'Adiceo, les gens de l'entreprise qui ont été mutés dans d'autres entreprises, comme c'est muté en inter-entreprise, n'ont pas eu de suivi professionnel. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un exemple, un directeur du bureau d'études qui se retrouve sur Colmar avec un cancer du rein, et ainsi de suite. Une petite rétrospective sur l'entreprise. Aujourd'hui, Adiceo, c'est une entreprise qui appartient à un groupe chinois, Gusta. On est 490 salariés. Dans le secteur de la chimie, évidemment, production d'additifs de nourriture animale. Entre autres, bon, le premier marché, c'est la méthionine, la vitamine A et la vitamine E. En 1981, pour augmenter les profits et l'augmentation de capacité, une nouvelle synthèse est introduite pour fabriquer la vitamine A. Dans cette nouvelle synthèse se trouve le goracétal C5. Tumeurs du rein, le nouvel atelier de vitamine A. Aujourd'hui, comme on vous disait, 42 cas de tumeurs du rein, dont 31 exposés au contact direct du C5. Oui, quand on dit au contact direct, c'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient directement affectés, soit en fabrication, soit à l'entretien, soit au laboratoire ou au pilote, à manipuler le C5. On a 11 cas, où sur les 11 cas, on en a 9, où ce sont des gens qui ont été exposés au C5, j'allais dire d'une façon accidentelle, mais régulière, par pollution ou continuité d'une pollution de proximité, on va dire. Peut-être un mot quand même sur le C5. Pourquoi le C5 ? Parce que on a affaire à une molécule extrêmement réactive, de courte chaîne, chlorée, donc halogénée, insaturée, qui présente toutes les caractéristiques, très électrophile, donc qui présente toutes les caractéristiques pour se lier facilement à l'ADN. Donc, cette molécule n'a pas été choisie par hasard par les chimistes, parce que, comme l'a dit Jean-Luc, c'est une molécule qui a permis d'augmenter la vitesse de la réaction de la synthèse et d'augmenter les rendements de la synthèse. Pour vous donner un ordre, et j'arrêterai là, d'idée, grâce à ce nouveau process, la productivité a été multipliée par 4. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 2 la quantité de vitamine A produite. On est passé de 90 tonnes mois à 180 tonnes, voire 200 tonnes mois. et on a divisé par deux le nombre de personnel. On est passé de 180 personnes à 90 personnes. Voilà, je termine là-dessus, mais c'est très important de comprendre le comment et le pourquoi, les raisons économiques, et aussi, par contre, aussi les propriétés chimiques de cette molécule et pourquoi elle a attiré notre attention. Sur les 31 recensés, donc 13 décès, 31 personnes recensées. Aujourd'hui, à notre connaissance aujourd'hui. On a 23 salariés d'Adiceo et 8 salariés sous-traitants. Tumeur du rein dans le nouvel atelier de Vitamina. Parmi les 42 pères tumeurs, 3 oncocytomes. Alors, les oncocytomes, c'est des tumeurs bénignes, mais qui touchent, pour ceux qui, un petit peu, qui savent un peu comment est le rein, qui touchent les tubes collecteurs du rein. Alors, pourquoi on signale ces oncocytomes? Parce que le CIRC lui-même, le Centre international de recherche contre le cancer, insiste sur le fait que des tumeurs comme ça, qui sont incluses dans un cluster de cancer, sont très en faveur d'une origine environnementale et qu'elles doivent être considérées au même titre que les cancers comme d'origine professionnelle. Il y a eu des publications qui ont été faites par le professeur Chamoux récemment à ce sujet. Et malheureusement, les 3 oncocytomes qui ont été déclarés en maladie professionnelle n'ont pas été reconnus par le CDRMP en maladie professionnelle. Et nous allons refaire une nouvelle demande groupée avec à l'appui les publications qu'a faites le professeur Chamoux qui siège lui-même au CDRMP. Compte tenu du temps de latence des cancers, 10 à 30 ans, des nouveaux cas sont probables tant que le C5 ne sera pas substitué. Oui, maintenant on peut dire deux mots là. Donc on voit bien que cette épidémie de cancer continue. Pour vous dire, donc sur 2013, on a eu 2 nouveaux cas. Et sur 2014, 3 nouveaux cas. Et des gens qui sont un petit peu disséminés dans toute la France n'ont toujours le problème de recenser ces personnes ou de les avertir. Moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a des gens qui sont en danger, peut-être en danger de mort, parce qu'ils ne savent pas. Et ça, c'est une lacune de peut-être de notre association, parce que on n'arrive pas aussi à savoir exactement ce qui se passe dans toutes les régions. Et c'est des gens qui nous appellent dès qu'ils ont un cancer du rein pour essayer de les faire reconnaître en maladie professionnelle. Mais nous, si on peut pas aller les chercher puisqu'on les connaît pas. Enfin, c'est limite. Nous, on a essayé de les dépasser quand même. En faisant des conférences de presse et autres. Donc, on va en parler tout à l'heure. Mais je pense qu'on n'a pas non plus été bien aidé dans ce côté-là par les pouvoirs publics et par les responsables de la santé non plus. Que ce soit le ministère de la Santé et puis autres détachés dans le département. Un historique des actions. 1986, CHSCT et médecins demandent une étude mutagène sur C5. Résultat positif en 1992. Oui, ben là, on s'est heurté à un refus systématique de la direction de faire ce type de test. Déjà en 81, en 81, au CHS, c'est acté dans un CHS. En 81, on avait demandé à la direction, justement, de s'intéresser à la nouvelle synthèse, puisqu'ils nous l'avaient présentée. Et la direction a dit « Oh, calmez-vous, c'est pas grave, il y a eu tout ce qu'il faut fait dessus, ça craint rien. Donc vous pouvez y aller tranquille, patauger dans les flaques de C5 et vous ne risquez rien. » Parce qu'à l'époque, c'était ce qui se passait. Quand on a démarré l'atelier, les gens travaillaient dans des conditions qui étaient quand même presque... celle du Moyen-Âge, parce que les gens pataugeaient dans les flaques de C5 quand il y a eu des fuites et autres, et quand on mettait les appareils au point. Mais ça ne chagrinait pas trop la direction, qui prétendait que des analyses avaient été faites sur le produit, et ainsi de suite. Puis on s'est aperçu plus tard, quand ils sont passés devant le tribunal grâce à notre... intervention, qu'il n'y avait rien eu de fait. On a laissé les gens s'intoxiquer, enfin la direction a laissé les gens s'intoxiquer, les pouvoirs publics ont fait de même, et voilà. Le résultat, c'est qu'il y a aujourd'hui des familles qui sont dans la peine, des gens qui ont disparu, et des responsables politiques et des scientifiques qui n'ont rien à se reprocher. 1994, refus de reconnaissance de 2 cas de cancer du rein comme cancer professionnel. Alors, pour revenir un peu en arrière, en 84, j'avais lu un article d'André Picot de toxicochimie qui était très intéressant et qui m'avait alerté sur justement l'effet possible de ces molécules, en particulier du C5, sur les molécules d'ADN, sur la molécule d'ADN. Et c'est pour ça qu'on avait demandé, qu'on avait tant insisté pour demander à partir de 84-85 que la direction fasse ces tests de mutagénèse. En 90, ces tests ont été faits et se sont révélés positifs. Test du micronoyau positif, test de HAMS positif, et la direction a refusé d'aller plus loin dans l'exploration de la toxicité de ce produit. En 95, on a demandé, le CHSCT, collectivement, nous avons demandé que le C5 soit substitué, parce que nous avions déjà 3 cancers du rein, que nous avions les résultats déjà de que ce produit était mutagène et clastogène. Et on avait demandé un détecteur aussi continu dans l'atelier, de mettre un périmètre lorsque l'on intervenait sur le produit, etc. Tout ça, ça a été refusé par la direction pendant plusieurs dizaines d'années, au moins une dizaine d'années. En 98, je fais une petite plaquette dans laquelle je note clairement que le C5 est responsable de cancer du rein. On en était à cette époque-là à 6 cancers du rein. Et je fais en même temps une déclaration groupée de maladies professionnelles. J'en avais fait 2 en 94 et je refais en 98, à cheval sur 98, début 99, 6 déclarations, les 6 déclarations, je renouvelle, 6 déclarations groupées pour attirer l'attention du C2RMP sur le fait que on avait déjà 6 cas de cancer du rein d'ouvriers qui travaillaient dans le même atelier, qui étaient exposés à une molécule ciblée comme mutagène, etc. Et on a appris par la bouche en 2002, par la bouche du médecin inspecteur régional du travail, que il semblerait que ces déclarations de maladies professionnelles n'aient pas été jusqu'au C2RMP, elles aient été bloquées par la CPAM parce qu'elle considérait, laquelle CPAM aurait considéré que le taux d'IPP de 66,6% n'était pas atteint, parce qu'à l'époque, il fallait atteindre 66,6%. En fait, je sais qu'il n'en était rien, que la CPAM avait bien fait suivre jusqu'au C2RMP les dossiers. J'ai des témoignages et des preuves de gens dignes de foi qui m'ont confirmé le fait que ça avait bien été jusqu'au C2RMP. Voilà, on peut peut-être passer à 2002. 2002, 10 victimes, le syndicat CGT, le CHSCT et un chercheur militant, Henri Pézra, tiennent une conférence de presse et exigent une substitution du C5 et reconnaissance des cas comme cancer professionnel, article de presse national et régional. Oui, alors ce qu'on peut dire, en 2002, tout a changé. Donc on a eu l'arrivée d'Henri Pézra, c'était le prélude de la création de l'Association des malades de la chimie, qui nous a dit et nous a expliqué qu'il ne fallait pas laisser dans l'entreprise que dans l'entreprise secondaire, il fallait le sortir à l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et là, on a organisé, avec lui, bien sûr, une conférence de presse. Là, on doit dire qu'on a été un petit peu débordé. On s'est retrouvé avec 42 médias, des camions avec des grosses paraboles sur le parking de l'entreprise. Et l'AFP a balancé un peu tout en France et en Europe, puisqu'on des amis donc, qui étaient au Québec m'ont téléphoné en disant « Qu'est-ce qui se passe à Commentry ? L'usine a cancer, il y a des cancers du rein. » Enfin, vous voyez un petit peu. Et grâce à ça, par miracle, tout s'est débloqué. C'est-à-dire que, comme l'a dit Gérard, on pense, nous, que le blocage se faisait par rapport à la faculté de médecine de Clermont. Et en l'occurrence, à l'époque, on peut citer des noms, le professeur Catilina, qui a fait un blocage énorme. Donc, voilà. Et puis, on se retrouvait quand même aussi avec des cancers qui étaient hors tableau. Donc, difficulté de les faire reconnaître. Et là, je vous dis, par miracle, les premiers cas ont été reconnus. Voilà, donc pour nous, ça a été le début du combat. Alors là, je vais faire juste une petite aparté, je vais prendre mon exemple personnel. En 1994, je suis sous-traitant d'une entreprise d'intérim. J'interviens comme électricien à la maintenance postée au sein de l'entreprise à l'époque Rhône-Poulain. Aucune information sur le risque que j'encourais en travaillant. Et je me retrouve comme ça lâché dans l'entreprise, comme beaucoup de salariés à cette époque-là. Et quand j'intervenais, mon secteur d'activité, c'était Vitamina, l'atelier de Vitamina. Donc, la partie, on va dire, du bâtiment 41, la phase 15 000, c'est-à-dire le C5. Quand j'intervenais, pour vous expliquer, j'avais mon bleu de travail, une caisse à outils en cuir, mes outils, et une paire de gants en cuir. Pas de porte de protection respiratoire, pas de gants adaptés. Et aucune information sur le risque que j'encourais en pataugeant dans le C5. Bon, Francis, qui pataugeait, il ne faut pas le prendre comme une image, c'est la réalité. Il a fallu 20 ans de combat pour arriver aujourd'hui à effacer quelques traces dans l'atelier. Voilà, c'est vraiment la réalité. Quand on dit pataugeait, il y avait des produits partout. Et le C5, pour information, c'est un produit qui est collant, gluant, odorant. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le reconnaît parce qu'on a été exposé, on connaît l'odeur et on se protège comme ça. Une odeur particulière, oui. Ça, c'était juste une aparté pour vous dire que l'image de Francis était réelle, ça s'est calmé grâce au combat. Création de l'Association des malades de la chimie, l'AMC. L'AMC collabore étroitement avec le CHSCT. Il est tâche, regrouper victimes et militants, rechercher nouveaux cas de témoignages et d'expositions, revendiquer la substitution du C5 des études toxicologiques, aider les victimes pour reconnaissance maladie professionnelle, aider les victimes en justice pour faire condamner employeurs pour faute inexcusable. Moi, je vais intervenir juste sur la partie... le combat, ben aujourd'hui, grâce au CHSCT mensuel, parce qu'on a un CHSCT mensuel, c'est battu pour le conserver, ce sujet-là est quotidien. Et c'est en interpellant au quotidien qu'on arrive à protéger nos camarades de travail. Parce que récemment, on a des flacons qui se cassent dans les labos d'analyse, et les salariés ne se protègent même pas, parce que il y a des salariés qui, eux, encore dans leur tête, sont loin de la réalité de la dangerosité du C5. Voilà les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Oui, donc création de l'AMC. Pour nous, déjà, créer une association, c'est pas facile. C'est-à-dire, par avoir au pouvoir public, à chaque fois que l'on faisait une déclaration publique, la brigade de recherche de gendarmerie nous demandait de confirmer ce qu'on avait dit. Derrière ça, on a tous été convoqués au RG pour nous expliquer exactement où on voulait aller, parce que c'est la première fois qu'une association attaquait un lobby. Donc vous voyez un petit peu les difficultés. Et moi, en tant que président, j'ai mis le droit au barbouze devant la maison. Ça a duré pendant à peu près 3 semaines. Les véhicules qui nous suivaient, un peu avec mon épouse, commençaient à avoir peur. Voilà la difficulté aussi de créer une association. Parce que c'était la première fois qu'on attaquait un lobby. Substitution du C5. 3 autres procédés existent pour fabriquer de la vitamine A, sans recours au C5. Alors, il y avait l'unité qui s'appelait Vivas avant 81, c'est-à-dire la vitamine A qu'on fabriquait avant de passer au nouveau procédé. Hoffmann-Laroche, BASF. BASF aujourd'hui leader mondial sur le domaine de la vitamine A. Par contre, on n'a aucune information sur s'il existe des cancers ou pas. On a essayé de se renseigner. On s'est renseigné, mais à notre connaissance, il n'y avait pas de cancer du rein avec ces fabrications. Donc, Vivas, on sait qu'il n'y a pas eu de cancer du rein. Ma connaissance, j'ai pas, à ma connaissance, vu de cas de cancer du rein chez des gens qui ont travaillé ou qui ont travaillé sur dans l'ancien atelier de Vitamina, en tout cas un cluster, enfin, regroupé. Cet atelier a été arrêté en 82. La nouvelle atelier ayant pris le relais. Bon, à chaque fois qu'on aborde ce sujet avec la direction, évidemment, c'est toujours un refus pour les raisons économiques. Et je vous rappelle que la substitution, nous l'avons demandé avec Francis en CHSCT en 95. Elle a été demandée en 95, c'est un CHSCT, c'est acté dans un CHSCT à l'époque. Études épidémiologiques, les limites et les difficultés. Choix d'études de mortalité de 1960 à 1993, sans intérêt. Ben, c'est-à-dire qu'on considère que c'est sans intérêt parce qu'elle prend, elle ne tient pas compte du tout du cas qui nous occupe, c'est-à-dire du cluster de cancer du rein qui est survenu chez des salariés qui ont été exposés au C5. Or, le C5 a été mis en œuvre à partir de 81-82. Avec les délais d'apparition des cancers, 10 ans, eh bien, cette étude de mortalité, déjà, ne nous paraît pas pertinente dans la chronologie, dans le temps. Le deuxième point, c'est que nous avions mis en place un dépistage systématique en 91, quand on a su que ce produit était mutagène et testogène, on avait mis un dépistage systématique par échographie, donc échographie abdominale. On recherchait plus des atteintes hépatiques, d'ailleurs, au départ, que des atteintes rénales. Et ça a été notre surprise de découvrir des atteintes rénales en 93-94. Mais ceci étant, je veux dire par là que avec ce dépistage systématique, eh bien, on peut espérer, et on espère toujours d'ailleurs, pouvoir limiter la mortalité. Et donc, le deuxième argument, c'est celui-ci, c'est que à partir du moment où on fait un dépistage systématique, on diminue le taux de mortalité, et on peut en tout cas l'espérer, de la population exposée. Et certainement que la mortalité n'est pas forcément le critère le plus pertinent, et plutôt la morbidité serait le critère à choisir en priorité. Mais surtout, c'est que là, on est complètement déphasé dans le temps par rapport à la mise en œuvre de la molécule. Continue, refus. Refus de centrer sur excès de cancer dans l'atelier de Vitamina et les intervenants, labo, maintenance, etc. Refus de prendre en compte les cancers chez les sous-traitants et les tumeurs non malignes. Alors, les tumeurs non malignes, on en a parlé tout à l'heure, les fameuses oncocytomes. Je ne vais pas revenir dessus. Le CIRC lui-même reconnaît donc que ces tumeurs-là ont valeur épidémiologique et scientifique d'une exposition environnementale à un cancérogène lorsqu'ils sont associés à un cluster de cancer. Expérimentalement aussi, Henri Pezra, dans un de ses dossiers qu'il nous avait remis en 2008, faisait état de certain nombre de recherches dans lesquelles des animaux qui étaient exposés à des cancérogènes développaient en même temps des tumeurs malignes, mais aussi des tumeurs bénignes ou ce qu'on appelle des tumeurs intermédiaires, et que par rapport aux animaux qui n'étaient pas exposés. Et ce qui a fait prendre cette décision, d'ailleurs au CIRC, ce sont ces expérimentations animales qui ont montré ce phénomène. D'où cette double peine pour les gens qui sont atteints d'oncocytome, c'est que d'une part, on ne les a pas pris en compte dans les études épidémiologiques, mais surtout aussi, c'est qu'ils ne sont pas pour le moment reconnus en maladie professionnelle. Et ils ont quand même un rein en moins. Oui, un rein en moins. Avec. C'est-à-dire que c'est très facile de vivre avec un rein en moins, c'est bien connu. Il y a des experts pour le dire, donc. On a une personne qui a été atteinte effectivement d'un oncocytome et qui a un rein en moins, mais avec des effets secondaires importants. Surrénale en moins, mais avec une hypertension artérielle, une fatigue persistante, une insuffisance rénale sur l'autre rein débutante. Donc des conséquences assez, des conséquences graves, on va dire, sur la santé. Il faut dire aussi qu'en 91, ben, comme le médecin du travail, enfin Gérard Barra, avait fait son boulot, c'est la direction, pour la cible pour la direction, c'était pas le CESAC, c'était Gérard Barra, puisque en 92, il a été convoqué par Gadré, des RH du groupe, pour lui signifier que c'était un mauvais manager et que sa place n'était plus chez RP. Donc, voilà. Donc, quand quelqu'un essaye de faire son travail, quand un médecin du travail fait son travail dans une entreprise, voilà où ça mène. Bon, Gérard Barra, ce n'est pas un gars qui se dégonfle, donc il a continué à faire son boulot, et même en dehors de l'entreprise, quand il a été ailleurs. Et maintenant, il fait son travail aussi au sein de l'association. Et voilà le résultat de chez, enfin, des responsables de l'entreprise. C'est viser le médecin du travail. Quand on ne peut pas s'attaquer au problème, il faut viser le médecin du travail. Et le CHS, bien sûr, par internet, par la même occasion. Refus de confronter les données avec le CHSCT et l'AMC. Volonté d'attribuer l'excès de cancer au dépistage par échographie. Gérard vous a expliqué. Dans un second temps, l'attribution de l'excès de cancer au CVM, puis au polyéthénol glycol. Un antigel qu'on utilise dans le process pour éviter de la casse sur le fonctionnement du process. Hein. C'est un antigel qui sert de fluide pour le système de réfrigération des unités de production. C'est-à-dire que moi, je dirais que ces exemples-là montrent que il y a eu certainement un défaut de communication entre les épidémiologistes et puis le terrain et les gens de terrain parce que évidemment les gens avançaient l'hypothèse que le polyéthylène glycol, enfin le, ce qu'on appelait le antigène, oui, mais le produit, le nom commercial, c'était je me souviens plus du nom commercial. Mais bon, que le polyéthylène glycol était responsable, pouvait être responsable, qu'il y avait un lien statistique, peut-être, mais que ça pouvait avancer cette hypothèse que le polyéthylène glycol pouvait être responsable des cancers du rein, c'était méconnaître complètement la toxicité de ce produit. Mais comme il était mis sous le nom commercial, eh bien, les épidémiologistes n'ont pas, je pense, ne se sont pas, ont pas pris le renseignement sur la composition exacte du produit. Et ça montre qu'il y a un défaut de communication et de travail de terrain. À la fois sur ce que j'appelle moi la clinique du travail ou sur la réalité du travail, de travail concret, la toxicité des produits, mais aussi les postes de travail, et puis aussi sur la clinique, on le verra, par exemple sur le dépistage par échographie et l'ajustement qui a été fait avec le dépistage, qui fait que ensuite la relation statistique n'a plus été significative entre l'exposition au C5 et les cancers, après ajustement sur le dépistage, montre qu'on n'a pas tenu compte de la particularité de ces cancers, la particularité clinique de ces cancers, ce qui m'avait frappé dès le départ et ce qui a frappé aussi les chirurgiens qui ont opéré les 42 victimes, c'est l'extrême évolutivité de ces cancers. Certaines publications ont montré que le temps de doublement des tumeurs était de 5 ans environ. Là, moi, je peux vous dire, ça c'est mon vécu, hein, les 6 premiers cas de cancer que j'ai pu constater, c'est des cancers qui ont débuté, deux d'entre eux ont débuté par un kyste banal qui n'existait pas auparavant sur les échographies antérieures. Quand j'ai refait faire une échographie, 5 mois, voire 6 mois plus tard, le kyste avait doublé de volume et surtout il y avait un bourgeonnement à l'intérieur du kyste qui n'était pas, qui était évidemment l'image type d'un cancer, quoi. Ça c'est voilà. Donc l'évolution rapide de ces cancers. Pour nous, elle est prouvée, quoi. On a les images avec, dans le temps, en l'espace de 6 mois, le temps de doublement est largement dépassé pour la plupart d'entre eux. Il faut dire aussi, excuse-moi Gérard, oui, qu'il y a il y a plusieurs cas de cancer qui ont été découverts par hasard. Tout à fait. C'est-à-dire en faisant une surveillance, parce qu'on a une surveillance aussi sur l'amiante. Et par un scanner thoracique, le scanner descend sur la tête des reins. Et on s'est aperçu que ces gens qui avaient eu une échographie une année avant se retrouvaient avec une tumeur de 3,5 cm l'année après. On a plusieurs cas comme ça qui ont été diagnostiqués, entre parenthèses, grâce au scanner thoracique. Autrement, ils passaient à côté, quoi, encore une année de plus, parce que le suivi post-professionnel est tous les 2 ans. Voire maintenant, avec le décret de 2012, pour l'amiante tous les 5 ans. Vous voyez le dégât que ça peut faire derrière. Voilà, donc on voit l'évolution, ce que tu disais, rapide. Et on a affaire, pour nous, un peu loin, comme le disait Henri Pézra, du départ, il a dit, bon, on a affaire un peu loin, très fort, un cancérigène fort. Et déjà à l'époque, nous, au CHSCT, avec Gérard Barra, et c'est toi à l'initiative, on prévoyait déjà des protections comme dans le nucléaire, c'est-à-dire avec des combinaisons Mura, ça a fait rigoler tout le monde, mais on a vu le résultat derrière. C'est-à-dire que les protections qu'on a eues individuelles, au départ, n'étaient pas suffisantes, et que je pense, même à l'heure actuelle, ne sont pas suffisantes. Parce qu'il y a toujours du travail dans l'urgence, mais on en parlera. Finalement, l'étude épidémiologique montre un excès de cancer du rein chez les salariés de lycéens ont été en contact avec le C5. L'effet dose entre les cancers du rein et l'exposition au C5. L'étude laisse le doute, rôle du dépistage systématique par exemple. Durée de l'étude, 7 ans, avec une conclusion prévisible avant même le début de l'étude. Oui, on peut peut-être rajouter quelques mots quand même. D'emblée, on savait qu'on avait un faible effectif et que la puissance de l'étude serait faible. Hein. D'autre part, c'est noté dans le rapport de l'INVS, c'est vrai que le C5, nous sommes les seuls dans le monde, à DICEO et les sont les seuls dans le monde à mettre en œuvre cette molécule. Donc forcément, pouvoir trouver d'autres, pour améliorer la puissance de l'étude, trouver d'autres salariés exposés à cette molécule était illusoire, impossible, puisque nous étions les seuls à mettre en œuvre cette molécule. Donc, dès le départ, on savait que la puissance de l'étude serait insuffisante et que on avait de très très grandes chances, là pour le coup, de ne pas pouvoir conclure à un effet statistique pas significatif. L'effectif était faible, on savait que le C5 était le seul à utiliser, donc on avait déjà ces données-là au départ. Voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est vrai, vous avez raison, l'effet dose est un point important, mais il a été complètement contrecarré par ce qui a, j'allais dire, ce qui a été rajouté juste derrière, qui est le rôle du dépistage systématique dont s'est emparé l'employeur pour justifier une non-intervention ou, disons, pour traîner des pieds pour dire que le C5 était responsable. Ce qui nous manque, effectivement, c'est pourquoi, comment, on a, sur quelle base de calcul a été fait cet ajustement sur le dépistage. Est-ce qu'on a tenu compte de ce que j'ai dit tout à l'heure, de l'évolution rapide de ces cancers, de l'âge des sujets jeunes, alors que les études qui ont été faites systématiques sur le dépistage des cancers du rein et le rôle du dépistage sur la surévaluation des cancers, eh bien, l'âge moyen est souvent de 60-65 ans, alors que l'âge moyen des cas qu'on avait était autour de la cinquantaine, c'est-à-dire 10 à 15 ans de moins. L'étude, Henri Pesera le notait d'ailleurs, la plus documentée, qui reposait sur 21 460 cas, montrait qu'au maximum, le taux de cancer par dépistage systématique par rapport à l'effectif de l'entreprise aurait été de 2/3 de tumeurs, c'est-à-dire même pas une tumeur sur 30 cancers, même pas une tumeur entière, ce qu'aurait pu apporter la surestimation du dépistage systématique. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Ça va ? Bon. Donc, et ça, on le retrouve dans le rapport d'Henri Pesera, fait en 2008, sur cette question, dans lequel il avait beaucoup travaillé sur la bibliographie. Et donc, voilà. D'accord, c'est vrai que l'étude a montré, et ça nous confirme, que le bien fondé de notre démarche est... finalement, le fait que c'est certainement bien le C5 qui est responsable de ces cancers du rein, mais devant le refus de la direction de faire les études toxicologiques que nous avait proposé professeur Marzin de Lille, de faire des études toxicologiques sur les cellules rénales humaines, parce que des études avaient été faites sur des cellules rénales de rats qui avaient montré, et sur des cellules hépatiques de rats, et ces études avaient montré une atteinte spécifique des cellules rénales du rat avec un test des comètes positif, le C5 sur les cellules rénales, et spécifiquement avec les cellules rénales, avec ou sans activateur d'ailleurs. Alors que sur le foie, il n'y avait pas de... Le test était resté négatif. Et le professeur Marzin nous avait proposé gratuitement de faire un test sur des cellules rénales humaines et sur d'autres aussi cellules, prostate et foie, dans un premier temps. Et la direction s'est farouchement opposée à cette perspective, à cette proposition. Je vais intervenir, moi, sur la partie des 7 ans qui ont servi, en fin de compte, d'alibi à l'employeur de ne pas mettre en œuvre des protections adéquates sur l'installation. Pour exemple, aujourd'hui, on est en 2014, on n'a pas un SAS digne de ce nom, un SAS normé, digne de ce nom, pour pouvoir se changer et s'équiper d'une protection type Tyvek, pour pouvoir intervenir sur l'installation quand elle est déconfinée. Alors, on est en 2014, vous imaginez le temps qu'il y a. A priori, elle serait commandée, peut-être payée, on ne sait pas encore. Il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'on s'est aperçu que les combinaisons que l'employeur achetait, une référence Tyvek d'un autre modèle, n'étaient pas conformes et laissaient passer le produit. Les mesures ont été faites, ont démontré qu'il y avait des expositions, enfin il y avait une exposition du fait que la combinaison n'était pas parfaite et n'était pas assez étanche. Voilà, c'est-à-dire que tout au long de ces 7 ans, pour arriver à une conclusion, l'employeur, à chaque fois qu'on l'interpellait sur ce sujet, par l'intermédiaire des CHS ou des CE, avait toujours l'alibi de dire « Aujourd'hui, nous n'avons pas la conclusion. Aujourd'hui, c'est vous qui le dites. Nous, on n'a pas de preuve avérée comme quoi le C5 et la cause des cancers du rein. Et c'est-à-dire que ce doute, ce que je vous disais tout à l'heure, arrive aussi à pénétrer dans la tête de certains salariés. À ce moment-là, ils n'ont plus la vigilance quand ils interviennent. C'est-à-dire qu'ils vont intervenir sur le C5 comme ils iraient intervenir sur de l'eau. C'est-à-dire qu'on recule de beaucoup sur le phénomène de prévention, le phénomène de se protéger. Et ça a été très dur pour nous, en tant que CHS, de pouvoir arriver à contrecarrer ce débat de dire aujourd'hui, il n'y a rien d'avéré. Aujourd'hui, il n'y a rien d'avéré. Vous voyez, en 2014, on en est dans une situation où les salariés se changent dans un ASGECO qui a été monté à un premier étage et qui n'est pas normé. C'est-à-dire que quand ils se... Pour vous expliquer, une intervention sur du C5, je vous ai expliqué un peu la consistance du produit. Vous prenez un caramel, imaginez un caramel, légèrement plus liquide. Vous intervenez sur le C5. Des fois, on ne peut pas nettoyer l'installation. C'est-à-dire que le corps de vanne est chargé, par exemple. Ou la tuyauterie est chargée. L'intervenant va prendre la tuyauterie et va se faire couler sur sa combinaison. Vous imaginez qu'un père en combinaison scotché, respal, botte, il en a sur lui. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans un ALGECO, vous imaginez, avec deux compartiments, une porte en plastique, et il va se changer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un camarade en plus pour le déshabiller, parce qu'ils sont deux, généralement, on ne laisse pas quelqu'un tout seul. Et là, à ce moment-là, on a une pollution de l'environnement complète, parce qu'on n'est pas étanche, parce que on n'a pas prévu des zones de lavage pour rincer la personne sur cet endroit-là. Et vous imaginez en plus que, pour vous dire, bon, c'est comme si vous interveniez à l'autre bout du bâtiment, vous voyez là-bas, et vous veniez vous changer ici, pour vous imaginer la géographie du bâtiment. C'est-à-dire qu'on marche souillé dans l'atelier. Et ça existe toujours aujourd'hui en 2014. Même s'il y a eu beaucoup de choses de faites, ça existe toujours. Vous voyez, le fait que l'alibi, pour l'employeur, cet alibi, a fait qu'on a perdu des années de prévention et de sécurité, de mise en œuvre et d'intervention. Ça, c'est le point le plus important, parce que si aujourd'hui, en 2014, avec le temps de latence, en 2034, on pourrait supposer qu'on ait encore des camarades qui soient, malheureusement, atteints d'une tumeur ou d'un leucocytome. Et pour moi, la tumeur ou l'oncocytome, c'est la même chose. Il n'y a pas de... Le salarié est atteint dans sa chair, il est atteint dans sa chair. Point. Il ne travaille pas pour être... C'est pas de la chair à canon. Voilà. Donc, les nécessités, la leçon, c'est la nécessité des enquêtes. C'est un autre point. Alors, les salariés prennent les cas. Et où la réaction intervient, c'est quand Gérard disait, c'est la vitesse à laquelle le cancer peut se déclarer. Enfin, je ne sais pas si je parle bien, mais je ne suis pas médecin, je suis qu'électricien. Et nous, on a eu l'exemple, il y a 3 ans maintenant, d'un salarié qui allait partir en retraite, un bon camarade, quoi, et content de partir en retraite, et passe une visite de départ. Il avait fait sa visite dans l'année, moins de 10 mois avant la visite de départ. Il fait sa visite de départ et à ce moment-là, on lui dépiste une tumeur au rein. Voilà. Voilà comment un salarié est parti en retraite. Et vous imaginez un peu comme l'état d'esprit. Et à ce moment, il n'y a que ce moment-là où les camarades de travail ont pris conscience de l'impact du produit sur leur santé. Du fait que pendant ces années-là, il y a eu ce double discours de dire non, on attend la conclusion. Il faut que malheureusement quelqu'un touche dans sa chair pour qu'il y ait une réaction dans les équipes. Parce que vous savez comment ça se passe. Les gars vont au boulot, ils font les postes, ils sont fatigués. Leur priorité, c'est le salaire et la famille. La santé, on peut tous être malades, quoi. Un cancer du rein, tout le monde peut en avoir un. Sauf que là, c'est un cancer du rein qui est bien spécifique à l'atelier de vitamine A. Bon, c'était juste une aparté. Oui, non, mais entre parenthèses, il n'y avait pas eu changement du médecin du travail à une époque, là, qui a permis ces dérives aussi. C'est-à-dire, entre-temps, Gérard, comme vous a expliqué Francis, Gérard, on lui a fait comprendre qu'il serait bien de partir. Oui. Et entre-temps, on a mis un médecin qui est arrivé, un docteur, une femme, qui a repris le travail de Gérard. À peu près, ça allait. Et il y a 6 ans, on a été chercher un médecin. Bon, peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est le médecin des Ancises. Oui. C'est le fameux médecin qui disait que dans son site, chez Aubert et Duval, il n'y avait pas d'amiante. C'est rare, une fonderie où il n'y a pas d'amiante. J'en connais pas beaucoup, moi. Et malheureusement, on a récupéré ce médecin qui, lui, le cancer du rein, la santé au travail, c'est je viens chercher ma paye, je gère mon fichier immobilier. Quand je vous dis ça, c'est pas une boutade. Hein. Il gérait son parc immobilier dans le cabinet de l'entreprise, connu par l'employeur. Et ça a servi aussi, ça a desservi aussi la sécurité au travail. D'alerter, parce que le rôle du médecin, c'est quand même aussi de dire, même si des fois il est bridé, attention, faites attention à vous, protégez-vous. C'est un lien, ça permet. Pendant quelques années, on a eu ce médecin qui a malheureusement a causé beaucoup de problèmes. Et est-ce que la direction départementale du travail a eu, enfin, a été dérangée par justement la présence de ce médecin? Non, il l'a nommé d'ailleurs. Non, non, non. C'est pas elle qui l'a mis en place. Enfin, parce que le CHS c'était. On n'a pas. Si nous on s'est opposé à la venue de ce médecin. La CGT et puis le CHSCT s'était opposé à la venue de ce médecin. Voilà, on s'est opposé, mais bon, le dernier qui a la parole, c'est pas nous. Hein. Il a été embauché et voilà. C'est juste pour vous expliquer un peu, même si tout n'est pas beau dans un atelier de travail, même s'il y a des difficultés, il y avait moyen de faire de la prévention. Et de la prévention juste en alertant, en discutant, en disant faites attention. Si l'employeur n'avait déjà pas eu ce double discours, on aurait peut-être évité d'autres expositions. Parce qu'il faut savoir qu'entre-temps, on a eu des expositions avérées qu'on fait déclencher, on va en parler un peu plus tard, des expertises avec un cabinet. On a pollué tout un atelier, on a évacué tout un bâtiment parce qu'on avait renversé du produit partout. Voilà où on en arrivait, et ça, c'est pas plus tard qu'il y a 4 ans. Non. Je disais ça parce que là, il n'y a pas eu de problème pour désigner ce médecin. Mais quand on a écrit, par exemple, la direction de la santé, quand on a demandé justement au directeur de la santé qui regarde un peu plus la situation sur Onpoula, enfin sur Commentry, sur Adiceo, il n'y avait plus personne. Donc on se demande quand même si les pouvoirs publics, si certains responsables scientifiques et autres, je ne veux pas dire sont pas de connivence, mais préfèrent se ranger du côté d'Adiceo et puis des entreprises plutôt que de regarder très sérieusement le problème épidémiologique et toxicologique au niveau des entreprises. Alors je sais bien qu'aujourd'hui c'est l'emploi qui compte, la santé des gens, ils peuvent crever au boulot, c'est pas important. On a quand même une bonne conscience, on peut dormir tranquille. Leçon de nécessité, les enquêtes ouvrières et du contrôle ouvrier lors de tout recours aux épidémiologistes. Position de l'ANSES. Aucune position claire. Impossibilité de classer le C5 dans Rich car c'est un intermédiaire de synthèse. Oui, c'est ce qu'on a dit. Il fait partie du procédé. Il est dans une maille du procédé. Et malheureusement, il existe. Proposition de classer le procédé Navas comme cancérigène. Seule la DGT, autorité compétente, pourrait déclencher la procédure. Aujourd'hui, on est loin de ça. Oui, c'est-à-dire que aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les pouvoirs publics se sont toujours un petit peu renvoyés la balle. C'est-à-dire que tout le monde, nous on les a eus, moi j'ai signalé à M. Comprexel, à chaque fois qu'il y avait un nouveau cas de cancer du rein, je le signalais, comme je le signalais à l'Institut de veille sanitaire, en donnant les références pour signaler tous ces cas. Mais on a bien vu qu'en définitif, personne ne voulait prendre une décision. On attendait le fameux rapport au bout de 7 ans de l'Institut de veille sanitaire. Donc moi, j'ai participé à une émission de télévision avec... c'est le magazine de la santé. Et moi, j'ai bien vu les blocages qu'il pouvait y avoir avec l'ANSES. J'ai discuté avec un professeur qui était sur place et j'ai bien vu les positions. C'est-à-dire que personne ne voulait prendre la responsabilité. Ça a été un enchaînement de pendant ces 7 ans. Personne n'a voulu prendre la responsabilité de dire substitution du C5 parce que c'est un produit dangereux. Tous les pouvoirs publics. Ça a été une fuite en avant. Mais là, je peux vous dire qu'on a perdu des années parce que c'est sûrement pour une raison économique. Ça serait mal de dire l'entreprise est chinoise maintenant. De dire aux Chinois, attendez, vous faire de la vitamine A avec un autre produit. Vous voyez un petit peu le... Ouais, on voit bien la pression du lobby derrière. On se demande la pression qu'il y a eu, il faut le dire aussi, par rapport au pouvoir public. On ne sait pas. Mais où on en est à l'heure actuelle, on en est toujours au même endroit. Et tout le monde s'est appuyé sur cette conclusion de l'Institut de veille sanitaire, même le procureur de la République, puisqu'il a classé l'affaire sans suite. Vous voyez un petit peu. Bon, nous, on va passer outre ça, mais c'est pour dire Personne n'a pris la responsabilité. Il y a eu des études, il y a eu des recherches de la brigade de gendarmerie. Les gens auditionnés, c'était, on n'avait jamais le même interlocuteur. Donc on a vu que dans le dossier, tout était... c'est incroyable. On a trouvé rencontré une juriste juste avant. Là, on est monté au créneau avec Gérard parce que ça s'est très mal passé d'ailleurs. Pour une bonne raison, on voyait bien que même lui, il avait la possibilité à l'époque de nommer un juge d'instruction et puis de reprendre non, rien, classer sans suite. Voilà. C'était un petit... Recours à la justice. Déjà 14 condamnations de l'employeur pour faute inexcusable en matière de prévention. D'autres sont en cours de reconnaissance. Alors, entraîne pour chaque victime un doublement du montant de la rente maladie professionnelle et indemnité pour l'ensemble préjudice de 50 000 à 120 000 euros. Ça rachète pas la santé, hein. Alors, ce qu'il faut dire, pourquoi on est allé à la faute inexcusable. D'ailleurs, ça n'a pas été facile de prendre une décision comme ça. Donc, c'était une décision collégiale. Et puis, on s'est aperçu, en définitif, qu'on a eu affaire à une entreprise qui a menti. Qui a menti sur toute la ligne en disant, devant au tribunal, qu'ils allaient produire des pièces... comme quoi ils avaient fait des études de toxicologie sur ce fameux C5. Donc, on s'est aperçu qu'aucune pièce a été apportée au dossier. Donc, l'entreprise a menti. L'entreprise a menti, elle a été condamnée. Vous voyez un petit peu, quand même, l'état d'esprit, quand même. Au jour d'aujourd'hui, on va quand même, on entre dans une entreprise, c'est pas pour se polluer, pour s'intoxiquer. On voit qu'on a eu affaire à des gens pour des raisons économiques, ont court-circuité sûrement la recherche. Bon, enfin, à l'époque, on parle bien de Ron Poulenc et de Ron Poulenc Nutrition Animale à la suite Aventis. Sur des entreprises, c'est pas une petite PME. Vous voyez un petit peu, quoi. Et on voit bien derrière cette, où on en est arrivé, quoi. C'est, tout s'enchaîne en définitive. Tout s'enchaîne. L'action ouvrière contre le risque de cancer professionnel permet la reconnaissance des cancers en maladie professionnelle. La condamnation de l'employeur en faute inexcusable. L'exigence pour la substitution et pour des études toxicologiques pour caractériser les produits coupables. Aujourd'hui, ça, c'est une demande. L'exigence, c'est à chaque CHS, à chaque bilan annuel, chaque fois qu'on peut, on demande ces études, on demande l'institution, on demande le classement du produit. Mais à chaque fois, on sort à un refus total. Pour gagner trois acteurs. Un syndicat fort et ayant la confiance des salariés pour tout mettre en œuvre. Les préconisations du rapport de l'INRS de 2004. Alors, je tiens à préciser, ce rapport de l'INRS, ça a été, pour nous, en tant qu'actifs et en tant que CHS, ça a vraiment été l'outil qui nous a permis de faire avancer, même si c'était des petites choses, de faire avancer beaucoup de choses sur l'atelier en proprement dit, sur le process. Par exemple, dans ce rapport, il y avait des choses simples. Mettre des bouchons sur les purges. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de bouchons sur les purges. C'est que quelqu'un qui ouvrait une ligne, qui laissait la purge ouverte, vous aviez du C5 partout dans l'atelier, qui préconisait un certain type de pays. Et c'est ce rapport du INRS de 2004 qui aujourd'hui nous a permis d'avancer sur certains points. Il n'y a que cet outil-là qui nous a permis d'avancer pendant des années. Des expertises diligentées par les élus du CGT au CHS. Alors là, on a Pascal Jove du cabinet Sidecos qui nous a beaucoup aidé sur les expertises qu'on a faites dans le cadre de l'exposition accidentelle du C5 sur le labo Cara, qui a diligenté, et qui a permis de faire voir tous les dysfonctionnements de l'atelier. Il a permis de mettre une certaine pression à l'employeur, mais il n'a pas permis d'aller au bout de la démarche. Il faut un minimum pour avoir bonne conscience et donner une bonne image. Et aujourd'hui, une autre expertise qui est en cours, par contre, on a demandé une expertise sur les... Alors, on sort un peu du C5, mais moi, je suis un salarié à DCO aujourd'hui, mais j'ai été un sous-traitant avant. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est tous ces sous-traitants qu'on a, des jeunes qui veulent travailler, des gamins qui ont besoin de vivre, qui viennent, sont exposés, pas suivis, et ils partent dans la nature. Mais à quoi ils ont été exposés? Combien de temps? Est-ce qu'ils ont eu une exposition avérée ou pas? Tout ça, on n'a pas de traçage, on n'a pas de... On n'a que les dires de la direction, les mesures de la direction. Et vu le passif du C5, vous comprenez bien que les dires de la direction ne suffisent pas à qu'on soit rassuré. Alors aujourd'hui, il y a une expertise Sidecos qui est en cours sur les CMR, pour les sous-traitants, intervention des sous-traitants. Voilà. Pour gagner trois acteurs, une association de victimes, l'AMC, l'intégration dans l'association Henri Pesera, qui permet d'avoir une amplitude beaucoup plus grande, permet d'alerter sur l'exposition aux produits chimiques, qu'est-ce qu'il peut y avoir, les conséquences sur la santé. Permet, nous, pour le combat de l'AMC aussi, hein, de retrouver des gens, des salariés qui passent là. Et puis d'être là, hein. Voilà. Aujourd'hui. Et puis, des médecins, chercheurs militants en santé au travail, quoi. Si on n'avait pas eu un docteur Barra, enfin, si mes camarades retraités aujourd'hui n'avaient pas eu un médecin qui faisait son travail correctement, on aurait sûrement plus de salariés que ça qui auraient été exposés à des niveaux que vous ne pouvez pas vous imaginer. On serait rentré dans des cancers du travail, enfin des cancers professionnels invisibles. C'est-à-dire, bon, il a un cancer du rein, bon, c'est génétique, c'est la famille, c'est ci, c'est ça. Mais pour prouver au jour d'aujourd'hui la toxicité sur des cancers professionnels, on voit bien le blocage et tout le système à l'heure actuelle des pouvoirs publics sont en train de se mettre en place, malheureusement, pour rendre ces cancers invisibles. On le voit bien, que ce soit maintenant avec l'amiante, on ne va pas déborder sur l'amiante, mais voilà. Bon. Avec Bibliorette, ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça. Je rajouterai juste un petit mot concernant l'association pour participer avec vous aux permanences, puisque nous assurons deux permanences par mois, les premiers et derniers vendredis de chaque mois. Et ces permanences sont l'occasion pour les victimes ou pour leurs ayants droit de rencontres, de dialogues, et puis n'ayons pas peur des mots, d'une certaine fraternité, je dirais, hein, qui est en tout cas des échanges extrêmement riches, et de soutien qui viennent beaucoup plus de la rencontre avec entre eux que de nous-mêmes. Hein, et ça, je crois que pour nous, c'est une. Enfin, ça rentre pour nous. Depuis qu'on l'a inséré, on voit bien, on se retrouvait des fois à deux ou trois. Mmh. Et maintenant, il y a 15, 16 personnes qui passent et on voit bien, quoi. C'est soutien aux familles, surtout aux veuves. Donc, ça apporte un moment de chaleur. Voilà. Oui, alors, comme vous voyez, aujourd'hui, il y a le C5. Ça a été expliqué des heures, mais aujourd'hui, vous voyez, on a 29 cas de cancer de la prostate. Sur des personnes jeunes, 46 ans, plus jeunes. Oui. 53 ans, 55 ans, 52 ans. Donc, vous voyez, c'est. On a 6 cancers du côlon. Enfin, c'est pareil, qu'on a recensé c'est nous. C'est que ce qui a été recensé par l'AMC, qu'on soit bien conscient. C'est les gens qui viennent vers nous. 4 cancers bronchiques, 4 mésothéliomes. Alors, pour l'amiante, excuse-moi, je t'ai coupé. En plus, on a 40 personnes qui ont des plaques pleurales. Et 10 lymphomes ou leucémie. Alors, il faut savoir que par rapport à ces lymphomes et leucémies, jusque dans les années 81, l'hexane qui est largement utilisé dans l'entreprise contenait jusqu'à 10% de benzène. J'avais découvert ça par hasard quand je suis arrivé dans l'entreprise en 77. Les gens de l'entretien. L'hexane est distillé, ensuite recyclé et distillé. Et les gens de l'entretien allaient tirer en pied de colonne de l'hexane pour dégraisser leurs pièces à l'atelier mécanique. Et c'est par hasard que j'ai découvert ça, que les gens m'ont expliqué ça. Et donc j'ai demandé qu'on supprime l'hexane, le benzène dans l'hexane. Et je me suis adressé à l'ingénieur sécurité et à la responsable de recherche, à la directrice de recherche du laboratoire. Et j'ai obtenu assez rapidement gain de cause parce qu'ils se sont aperçus que la présence de benzène dans l'hexane diminuait les rendements des réactions chimiques. Si bien que ils ont été d'autant plus enclins à demander, à être très rigoureux vis-à-vis de leur fournisseur d'hexane, qu'il n'y ait plus de benzène dans l'hexane en question. Mais ceci étant bien sûr en souris, mais Je pense que c'est une partie de ces lymphomes ou leucémies sont attribuables à cette période-là. Non. Alors si, quand j'étais en activité, j'ai réussi à faire reconnaître une leucémie et un lymphome. Et alors, comme en maladie professionnelle, benzène. En jouant sur l'aspect myéloprolifératif. Voilà, je crois qu'on a peut-être dépassé un peu, excusez-nous. Hein. C'était tellement un combat, et puis pour faire participer à notre expérience de terrain surtout. Parce que c'est toujours intéressant de dialoguer et puis expliquer ce qui s'est passé, l'expérience dans la chimie. Hein. Pour nous, presque tous 37 années dans la chimie, dans différentes sociétés. Mais on s'aperçoit que... j'ai travaillé à une première entreprise qui fabriquait ces sociétés d'emballage plastique. On fabriquait du PVC et tout ça. On a eu quand même 32 morts en cours d'activité. Cancer du foie, un pancréas, cerveau. Comment ? Moi que j'ai, 78. Déjà en cours d'activité, je parle. Hein. Ah oui, cours d'activité. Hein. Donc, on voit bien un petit peu, jusque dans les années 95, des fois sur des conférences ou des déclarations qu'on a fait publiques, moi, je parle toujours de la chimie, jusqu'en 95, de germinal. Mais c'était germinal. C'est-à-dire que rien n'est automatisé, c'est on remplit des seaux. Pour vous dire une anecdote, la CEP, malheureuse, on fabriquait de la poudre de PVC, le PVC, quoi. Et les gens, l'été, tiraient un seau de CVM, de chlore de vinyle. Donc, ils mettaient leur boisson réfrigérée dans le seau. Mm. Oui, on en est là. Donc, ça veut dire que jusque dans les années 95, il n'y avait pas de protection, du tout de protection individuelle. Voilà, c'est pour ça qu'on arrive à des taux de cancer... même qui sont masqués à l'heure actuelle. On ne peut pas... c'est la réalité. C'est notre vécu dans différentes entreprises chimiques de France. Voilà. Merci beaucoup. Donc, des questions, des réactions, des demandes de précision. Oui, juste une petite question. Vous pouvez vous présenter. Alors, oui, Grégoire Millot, expert CHSCT pour le cabinet secteur conseil. Évidemment très intéressé et préoccupé par toutes les questions de santé de travail. Les pathologies auxquelles vous faisiez référence à la fin ou les autres cancers, vous les imputez effectivement à l'environnement professionnel aussi. Oui. Pour les cancers de prostate. Alors pour les cancers de la prostate, nous sommes en réflexion et puis en essai de recrutement. De collecter le maximum de recensement de maximum de ces cancers. Ce qu'on a commencé à faire, c'est on a tenté de recenser les cancers de la prostate que nous avions à notre connaissance, tout atelier confondu. Et alors bien sûr, il faut se méfier des biais là de recrutement, mais les deux tiers proviennent de gens qui ont, enfin, sont survenus chez des gens qui ont été exposés au C5. Alors, comme l'a dit Christian, ce qui est quand même très caractéristique, c'est que la moyenne d'âge d'apparition de ces cancers est jeune, hein, parce qu'on a des gens qui ont moins de 40 ans. Et la moyenne d'âge doit se situer autour de 47 ou 48 ans de mémoire. Donc c'est très jeune par rapport à la population générale où la moyenne d'âge des cancers de la prostate se situe après 60 ans. Je ne sais pas, peut-être que Mme Invernant a des chiffres sur cette question-là, mais en moyenne, c'est les cancers de la prostate, la moyenne d'âge, c'est après 60 ans. Hein, c'est entre 65 et 70 ans. Donc aujourd'hui, c'est à peu près, enfin, c'est potentiellement 20% des effectifs du site qui sont affectés par des cancers professionnels. Ça dépend. Concernant non, ce qu'on peut répondre, mais je oui, te coupe, oui, non, non non, non, non. Concernant le C5, hein, les gens qui ont gravité, parce que bon, on était en désaccord avec l'étude de l'Institut des sanitaires, c'est qu'en définitif, les gens qui ont gravité autour du C5, il y avait une thèse du docteur Soulier d'ailleurs, hein, sur Clermont-Ferrand, qui était assez significatif, que puis il arrivait à un taux de fréquence de 30%. Ce qu'on a recensé, c'est à peu près 400 personnes qui ont gravité vraiment autour de la vitamine A, et on s'aperçoit qu'on arrive à 10% de la population quand même. Donc on aurait dû, d'après l'étude de l'Institut du SNR, d'arriver à moins d'un cas de cancer du rein sur la population. Ça doit être 0,76, je crois. Sur la première étude que vous avez faite sur l'avancement de 2004, on partait avec un taux de fréquence de 13,1. Donc, un CIR de... Oui, un CIR de 13,1. Après, bon... De ce cas attendu, par, voilà. Voilà. Par 13, par rapport au nombre de cas attendus. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Hein. Mais en définitive, même c'était sur une population beaucoup plus importante. Mais pour nous, quand on... C'était sur l'ensemble de l'usine. Voilà, mais l'ensemble de l'usine n'a pas travaillé essentiellement, enfin, sur des doses massives par rapport à la vitamine A. Nous, on parle bien de choses qu'on connaît. C'est-à-dire que, pour nous, les cancers du rein, c'est 10% de la population. Je vais juste faire préciser pour la prostate. On parle de l'effectif de l'entreprise, c'est la référence que vous faites. C'est parce qu'en 2008, il y avait 200 personnes de plus à l'effectif. On a subi un plan social et ça a été l'opportunité de l'employeur de ne pas toucher que l'atelier concerné qui était fermé. Et il a fait un jeu de mouvement dans l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des salariés de Vitamina avec un passif de 15-20 ans d'expérience sur l'atelier de Vitamina, oui, sur un atelier de méthionine, par exemple, où là, il n'y a quasiment pas de produits de type CMR comme on en a autant dans l'atelier de Vitamina. C'est-à-dire qu'on le retrouve sur l'effectif global, du coup. On ne le retrouve plus sur l'effectif de l'atelier de Vitamina. Et ça a été ce malaxage qui a été fait en 2008 qui a permis à l'entreprise de les envoyer un peu à droite à gauche. En sachant que dans les 158 postes de supprimés, on a dû avoir 180 départs. Dans les 180 départs, on avait des salariés qui avaient plus de 20 ans d'ancienneté dans l'atelier de Vitamina. C'est-à-dire que c'est des salariés qu'on a fait sortir de l'entreprise pour éviter l'exemple que je vous disais tout à l'heure du camarade qui, lui, en activité, a déclenché l'oncocytome. Et ça, je pense que c'était calculé. Alors ça, c'est ma position à moi, personnelle, de salarié. Mais vu comme ça a été fait, vu les mouvements qu'il y a eu, de mettre des salariés qui n'ont aucune expérience sur l'atelier de Vitamina, c'est un atelier un peu spécifique quand même, il faut le connaître. Techniquement, il est assez compliqué, je veux dire, on ne bouge pas les salariés comme ça normalement. Il y a peut-être 5 à 6 ans d'expérience au poste pour arriver à connaître le process. En plus, il y a 4 bâtiments pour arriver à un produit fini. Vous voyez, et ça a été l'excuse en 2008 du plan social pour faire ce mouvement. Du coup, on se retrouve avec ce 20% sur l'effectif global. Si on était resté dans les conditions, peut-être qu'on aurait retrouvé ce pourcentage beaucoup plus fort sur l'atelier de Vitamina. Et ça, c'est peut-être. Pascal Joss, le cabinet Sileco. J'ai travaillé en tant que CHSCT pour le CHSCT de la DCO sur l'exposition au C5 en 2009, hein, bien après le déclenchement des alertes. Je voulais juste préciser que sur un atelier comme le Vitamina, il y a effectivement le problème du C5, mais il y a aussi 6 autres, 6 ou 7 autres CMR présents. Donc, ce qui pose énormément la question de la polyexposition, à un moment donné, de l'effet un peu cocktail. Et ça, c'est très difficile à montrer au point de vue de la mesure. Parce que, effectivement, quand on a travaillé sur cette étude, en 2009, on s'est aperçu que. Quand on dose, quand on fait des prélèvements auprès des opérateurs, parce qu'on a travaillé avec un cabinet STI de Toulouse, d'herbotoxicologie sur des prélèvements, on peut très bien faire des prélèvements sur des molécules particulières, mais l'effet polycroisé des différents est très difficile à comprendre. Effectivement, la molécule C5 c'est ça qui est bien présente, hein, à la fois. Et je rejoins ce qui a été dit à un moment donné, c'est sur le problème des combinaisons, c'est qu'on a trouvé par les mesures des traces de produits, évidemment, dans l'air ambiant, alors surtout sur les activités des entreprises extérieures, parce qu'il faut expliquer que l'entreprise a fait un choix désormais, c'est comme il y a beaucoup de bouchage sur le process, et que ça occasionnait de nombreux... tout à l'heure, vous avez cité des pathogiers dans le produit. Il y avait de nombreux bouchages et des opérations de fuite. Donc, l'entreprise a fait le choix de faire des plans préventifs pour éviter ces bouchages, c'est-à-dire que des opérations où on va déconfiner un certain nombre d'éléments des installations et faire des opérations de nettoyage. Ces opérations de nettoyage sont faites par des entreprises extérieures. Et ce sont désormais les situations les plus exposantes. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas pour les préparateurs de production, mais il y en a moins qu'il y en a. On a retrouvé effectivement des mesures qui montrent que à l'intérieur des combinaisons aussi, la combinaison ne protège pas totalement les synthés. Voilà. C'est pour préciser quand même que c'est une question compliquée parce que sur un atelier comme celui-là, la question de la prise d'exposition à des produits très différents se pose. Oui. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir justement un recensement précis sur toutes ces entreprises de nettoyage, pour ne pas la nommer la SAVAC à l'époque. Je pense qu'elle existe toujours, mais bon. Ce sont des salariés qui étaient embauchés les trois quarts du temps des CDD, que l'on mettait sur le site un certain temps, et après qui étaient déplacés, ou alors après, bon, ils perdaient leur emploi. Donc on sait à l'heure actuelle que bon, ces gens ils sont dans la nature, mais pour arriver à les rechercher, et c'est ce qu'on avait demandé à l'Institut de veille sanitaire, c'est faire un recensement complet de toutes les entreprises qui ont travaillé sur le site, c'est-à-dire à peu près 3000 personnes, un peu plus de 3000 personnes. Nous, ce qu'on a fait de notre côté, c'est qu'avec la médecine interentreprise locale, on a pu recenser, moi j'ai rencontré le docteur Talva à l'époque, on a pu recenser 440 personnes. Mais bon, on est loin du compte parce qu'on s'aperçoit que les gens qui ont quitté la région, on les a perdus, on a perdu la trace. Et c'est eux qui prennent contact avec nous, ce que je vous ai dit, cette personne de Colmar. Le dernier, c'est Damien, c'est il y a à peu près 3 semaines, qui a un cancer du rein, et qui a été quand même exposé, c'était assez rapide parce qu'il a été exposé de 1995 à 2002. Après, il a quitté, il est ingénieur sécurité dans un CHU. Et donc, on voit bien la difficulté que l'on a pour... Bon, c'est les gens qui viennent nous voir. C'est pour ça que quand on vous dit 42 cancers du rein, on est très très loin de ça. Même le service médical de Commentry connaît des personnes, certaines qu'on a classées sous X, que nous on ne connaît pas l'identité, on ne sait même pas exactement, bien sûr. Et ça bloque aussi la reconnaissance de maladie professionnelle, parce que c'est des gens qui ne viennent pas nous voir et qui n'ouvrent pas de dossier de maladie professionnelle. Moi, je voudrais revenir dans le prolongement de ce que Christian vient de dire sur l'importance du suivi, mais dans le contexte de la polyexposition. Alors, je crois que c'est important par rapport à l'ensemble des débats de la journée qu'on soit clair par rapport à ce qu'est un cancer. Un cancer, c'est une histoire. Ce n'est pas une cause, un effet ou une multicause, un effet. C'est une histoire. Donc, ce qu'on peut connaître, c'est l'exposition des salariés. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est pour ce salarié-là, quel est le polluant à l'exclusion des autres qui aurait joué. Et le plus probable étant que plus on ajoute de cancérogènes, plus le risque est grand qu'une tumeur se développe. Donc je crois qu'il faut avoir ça en tête pour ne pas être dans des discussions et des querelles sur... ce polluant est plus important que celui-là. Non. C'est-à-dire que dans l'atelier de vitamine A, c'est sûr qu'il y a un polluant maximum, c'est le C5, aggravé, je dirais, par d'autres polluants. Et ce qui est absolument déplorable actuellement dans toutes les situations du type de celle de Commentry, c'est l'absence totale de suivi des expositions des salariés. C'est-à-dire que c'est seulement à partir du moment où on aurait ce suivi qu'il y aurait une répercussion sur la prévention. Moi, une des choses qui m'a beaucoup frappée sur le site de Commentry, c'est que l'exposition, elle est identifiée à l'odeur. Ça veut dire quoi, en clair? Ça veut dire que les salariés ont inhalé du CESA. Et que donc, ils se sont contaminés et c'est le moyen pour eux d'identifier qu'ils le sont. Donc là, j'attire un peu l'attention là-dessus, c'est-à-dire que on est dans une situation où encore aujourd'hui, en 2014, avec toute l'histoire qui vient de nous être restituée, les délégués CHSCT qui vont dans l'atelier, à un moment donné, se rendent compte qu'il y a l'odeur du C5. C'est inadmissible. Donc, c'est là-dessus que je voulais intervenir, parce que la polyexposition à Commentry, elle est très importante, mais je dirais qu'il ne faut pas s'en servir pour noyer le poisson, ni du C5, ni du reste. C'est-à-dire que plus on a une polyexposition, plus le risque est grand, et que donc l'effort en santé publique, en prévention, c'est clairement sur l'exposition, et non pas sur un débat indéfini sur qu'est-ce qui serait la preuve de... Ouais. Justement, sur la dernière expertise qui est en cours, le C5 a été exclu volontairement de notre part. On a pris tous les autres CMR sauf le C5, justement pour avoir un état des lieux, des conditions de travail sur les autres, pour ne pas focaliser que sur le C5. Parce qu'on en est conscient, ouais. Le C5, ça a été le déclencheur, mais aujourd'hui, il y a tous ces produits qui circulent. Des nouveaux produits qui arrivent aussi dans les ateliers, il ne faut pas négliger, on a beaucoup de nouveaux produits. Et des fois, ça se passe un peu tout n'importe quoi. Oui. Pardon, la Société française des hygiénistes du travail, donc un des métiers qui travaille à la prévention, a un discours très émotionnel, et je comprends très bien, parce que les personnes, vous les connaissez, etc. Je me suis demandé si le fait, vous avez mentionné que c'était Ronpoulenc, et Ronpoulenc était un groupe de la chimie, le fait qu'il y ait eu des fonds publics dans Ronpoulenc, est-ce que vous pensez que ça a pu influencer la façon dont les dossiers ont été gérés? À la nationalisation, vous voulez dire? Oui, moi je me souviens, j'ai fait mes études dans les années 80. Moi, je suis de cette époque aussi. Je me souviens très bien de votre discours qui était Ronpoulenc approuve l'État public. Non, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le MEDEF dit et le gouvernement fait. Donc, ça a toujours été. C'est pas spécialement parce que c'était une entreprise à l'époque nationalisée qu'il y avait un suivisme de la part de l'entreprise, non, des pouvoirs publics. C'est toujours les mêmes qui tirent les ficelles. Donc, à l'heure actuelle, c'est toujours le MEDEF qui dit que ça voit, d'après moi. Moi, s'il y a que moi qui prend cette responsabilité là-dedans. Mais... Non, ce que vous vouliez dire, c'est est-ce que le fait que Ronpoulenc soit nationalisé, donc sous la tutelle de l'État, a eu une influence sur les freins qui ont été rencontrés voilà. Alors, il se trouve que à cette époque-là, j'avais une autre activité et j'avais été élu administrateur pour siéger au conseil d'administration de Ronpoulenc, représentant d'une organisation syndicale. Et donc, j'ai pu assister de l'intérieur à comment se déroulait le conseil d'administration, les choix qui étaient faits, etc. Et ce que je peux dire, c'est que il n'y avait pas de différence, à mon point de vue, entre un conseil d'administration Ronpoulenc nationalisé et une entreprise privée. Les choix stratégiques étaient les mêmes. Et Alors effectivement, peut-être que se rajouter à ça une image de marque qui a peut-être pesé sur notre démarche en négatif pour nous. C'est l'époque où Ushuaïa était sponsorisé par Ron Poulenc, oui. Vous savez. Bienvenue dans un monde meilleur. Vous vous en souvenez, hein? Oui. Et puis, Ron Poulenc, et puis bienvenue c'est dans ça. Un monde meilleur. Hein? Il est évident que nous, arrivant à dire que dans une usine Ron Poulenc, on avait pour des aliments destinés à l'alimentation animale, on mettait en œuvre des molécules cancérogènes et que des salariés étaient victimes de cancer, évidemment, on cassait complètement le « bienvenue dans un monde meilleur ». Enfin, je fais ça, mais c'est sciemment, parce que vous me comprenez bien, parce qu'il y a un tel décalage. Et je ne pouvais pas voir cette publicité. Je vous le dis très franchement, quand je voyais l'attitude qu'avait notre direction par rapport au problème qu'on vous a exposé, et cette publicité, cet écart terrible qui existait entre ce que l'image qu'on voulait donner de l'entreprise et ce qui s'y passait réellement, effectivement, je pense que vous avez peut-être, enfin, il me semble que votre question me paraît en tout cas pertinente. Alors, je peux pas. Continuer. Oui. L'établissement a été cédé à un groupe. Vous utilisez le terme la direction et ma question est, est-ce que les membres, les personnes qui représentaient la direction ont changé au fur et à mesure des acquisitions ou est-ce que ça restait les mêmes? Auquel cas on peut comprendre qu'ils aient des difficultés à changer de direction. Alors je vais vous donner un exemple parce que là aussi votre question est pertinente et intéressante. Pendant donc 5 ans, vous l'avez compris, nous avons eu un refus systématique de la direction jusqu'en 89 de faire des études toxicologique et de mutagénicité sur les produits de l'ensemble de la synthèse du C5, parce qu'il y avait plusieurs intermédiaires. Il se trouve qu'en 89, un nouveau directeur a été nommé. C'était un homme ouvert, avec qui on se frictionnait, certes, parce qu'on a partagé, mais c'était quelqu'un d'honnête, si vous voulez. Et c'est lui qui a accepté. Il m'a dit, écoutez, docteur, vous avez raison. Vous m'avez convaincu, c'est une molécule, bon, parce qu'il se trouve que c'est un chimiste. Moi, j'avais fait un petit peu de chimie, mais très peu. Hein. Enfin, comment on peut en faire, hein. Et il se trouve que... donc, j'ai convaincu. Et il m'a dit, d'accord, je donne mon feu vert. En 90, les résultats sont connus. Mutagène, clastogène, je mets en place la surveillance en 91, et en 91, cet homme-là, alors que d'habitude, il était arrivé en 89, le directeur d'établissement reste 5 ans, 6 ans, éjecté. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà.